Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Sam Cooke, roi de la soul et immortel au panthéon de la musique américaine. À chaque fois que j'entends Sam Cooke chanter, j'ai l'impression de recevoir une grosse dose d'humanisme. C'est vraiment juste dans la livraison de la chose, dans le senti de la chose. Ça transcende. L'auteur, compositeur, interprète Philippe Braque à l'émission Entre les branches à l'antenne d'ICI Musique en juillet 2018, c'est avec A Change Is Gonna Come, chanson humaniste s'il en est une, que Sam Cooke va entrer dans la légende. Plus qu'une simple chanson, A Change Is Gonna Come va devenir une sorte d'hymne pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. I was born by the river, in a little tent, oh, and just like the river I've been running. Ever since, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. C'est le président Barack Obama que vous entendiez au tout début de cet extrait. Barack Obama qui citait les paroles de la célèbre chanson de Sam Cooke, « A Change Is Gonna Come », lors de son discours de la victoire le soir du 4 novembre 2008 à Chicago, pour nous parler de la musique de Sam Cooke, de l'importance qu'il a eue dans l'histoire de la musique aux États-Unis. Je reçois mon collègue Stanley Péan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » à ICI Musique. Stanley Péan, bonjour. Bonjour. Que représente cette figure de Sam Cooke dans la culture populaire américaine, Stanley Péan, et que représente-t-il en particulier pour les Noirs de ce pays? Bien, c'est une sorte de héros tant musical que social parce qu'il fait partie de ces artistes qui, à un moment très, très précis, le moment où on va se battre pour les droits civiques, décident de mettre son œuvre et ses efforts dans cette direction-là, de s'engager, alors qu'il aurait très bien pu continuer à n'être qu'un entertainer, un amuseur public. Il a décidé que non, c'était pas suffisant, et notamment dans cette chanson-là, parce qu'il avait dans son répertoire une chanson de Bob Dylan, Blowing in the Wind, qu'il chantait à sa manière. Et il s'était dit, en tout cas, en entrevue, il le disait, je n'arrive pas à croire que c'est un blanc qui a écrit Blowing in the Wind, ça aurait dû être quelqu'un comme moi. Et il avait une énorme admiration pour Bob Dylan et s'est dit, je dois répondre à cette chanson, je dois moi aussi prendre position, et c'est ce qu'il a fait. Donc cette chanson-là, A Change Is Gonna Come, est devenue vraiment une grande, grande chanson, pour les Noirs américains en particulier, un hymne à ce combat qu'il menait. Mais plus que ça, bien sûr, il y a déjà cette chanson, l'histoire de cette chanson qui font de lui un grand. Il y a cette voix, il y a le succès qu'il a eu autrement. Il faut s'en souvenir, mais il est juste à côté d'Elvis Presley. Pour tout le monde, pas que les Noirs aux États-Unis. Effectivement, c'est le deuxième artiste qui vend le plus de disques chez RCA Records au début des années 60. Il y a qu'Elvis Presley qui est plus populaire que lui et il multiplie les succès depuis la fin des années 50 dans un genre qui n'est pas encore la musique soul telle qu'on la connaît, mais qui est en train de se définir. Une musique qui mélange le blues, le gospel, qui puise dans le jazz et qui est extrêmement sophistiquée. Il va aller vers une sobriété. Plus il va avancer, mettre davantage sa voix de l'avant, parce que justement, c'est sa grande qualité, c'est cette voix extrêmement puissante avec des touches de gospel et de blues qui va l'imposer. If you ever change your mind about leaving me behind, baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all. La La chanson « Bring it on home to me », ça, c'est l'un des grands. Ça va vraiment être un très, très grand succès de Sam Cooke, Stanley Payant. Et cette voix dont vous parliez, on l'entend, cette voix si particulière, comment la décrire, que dire de cette voix et du style de Sam Cooke? D'abord, la voix, il y a une espèce de sensualité chez lui, une sensualité très, très assumée, très, très mâle. C'est pas quelqu'un qui se cache d'être un mâle. Et il y a cette rossité, parce que autant il peut être suave, autant il y a quelque chose dans le fond, il y a un grain particulier dans sa voix que d'autres reprendront. Je pense à un chanteur comme Rod Stewart. Il y a quelque chose chez Rod Stewart qui est clairement dérivé de Sam Cooke. Puis il y en aura un tas d'autres qu'on pourrait nommer. Marvin Gaye aussi, par exemple. Oui. Donc, il y a déjà cette manière de détourner la façon de chanter très gospel vers autre chose qui est typique de Sam Cooke. Ce genre, la musique soul, va émerger avec Ray Charles et lui, James Brown aussi d'une certaine manière, qui va se détourner vers le funk très rapidement. Mais ce genre-là qui puise dans le gospel la manière de faire, mais qui en plus utilise des éléments de jazz, utilise des éléments de blues, c'est nouveau dans la musique américaine à ce moment-là, fin des années 50. Début des années 60, c'est en train de se définir. Et Ray Charles lui-même disait « Je dois tout à Sam Cooke. » Jesus wash away my troubles while I'm traveling here below. For I've got enemies, Lord, you know, and Jesus wash away my burdens, for they're so hard to bear, but I know there's consolation as long as I know you're there. Yes, it is. Yes, it is. You know sometimes. C'est par le gospel que se fait d'abord connaître Sam Cooke. Pendant quelques années, il va chanter avec le groupe Soul Stirrers qu'on vient d'entendre. La chanson qu'on entend, Jesus Wash Away My Trouble, c'est vraiment l'un des grands succès de ce groupe, Stanley Payant. Parlez-nous un petit peu de cette période gospel de la carrière de Sam Cooke. C'est vrai de Sam Cooke, comme c'est vrai de beaucoup d'artistes noirs américains de sa génération ou des générations qu'on suivit. Ils apprennent beaucoup la musique à l'église quand ils sont jeunes. Bon, il se trouve qu'il avait une famille extrêmement religieuse. Il va s'y mettre très, très tôt à chanter dans la petite enfance, chanter donc cette musique sacrée, cette musique pleine d'espérance. Et c'est drôle de l'entendre dire que Jésus nous sauvera de tous nos problèmes et va nous laver nos péchés. Quand on entend après ça dans A Change is Gonna Come qu'il y a quand même une incertitude. Qu'est-ce qui va venir? On veut le changement. Mais il n'y avait pas ce doute-là au début. Il n'y a pas de doute quand dans le gospel, tout va s'arranger parce qu'il y a la puissance de Dieu, la puissance du sauveur. Et c'est ça que chante Sam Cooke au début, avec toute cette énergie, avec toute cette conviction. Et le groupe qu'il avait d'abord avec ses frères et sœurs, The Singing Children, ils veulent quitter pour après ça faire partie des Highway QCs, un groupe de gospel local. Il est à Chicago à ce moment-là, là où sa famille s'est installée. Il est originaire, en fait, du Mississippi. Et à cause du succès qu'il a comme soliste dans ce groupe-là, on va aller le chercher pour entrer dans les Soul Stirrers, qui est déjà une formation établie, formation extrêmement populaire. Et c'est au sein des Soul Stirrers qu'il va tourner dans le sud des États-Unis, redécouvrir le lieu d'où il vient, qui est le haut lieu du racisme américain, et redécouvrir les conditions de vie des Noirs là-bas. On ne peut pas manger dans n'importe quel restaurant, on est en tournée, mais on ne peut pas loger dans n'importe quel hôtel. Ouais. Des fois, il n'y a même pas d'hôtel dans la ville où on va donner un concert pour habiter, ne serait-ce qu'une nuit. Il faut partir tout de suite après. Il va découvrir ces injustices sociales-là à travers ses tournées avec les Soul Stirrers. Mais il a cette ambition, il faut le dire, c'est un être très ambitieux, Sam Cooke. Il a envie d'avoir un public qui est plus large que simplement le public qui vient l'entendre à l'église. Il a envie, il entend aussi les changements des années 50 de la musique populaire américaine. Il a envie d'y participer. Ouais. Et il va faire un premier essai sous le pseudonyme de Dale Cooke. Il va enregistrer Lovable, qui est en fait un gospel déguisé. Il change un peu les paroles, comme on faisait beaucoup. Il y a beaucoup de chansons de Ray Charles de l'époque qui sont des gospels dont on change change un peu les paroles. On enlève Jésus, puis on y ajoute mon amour. Et puis tout d'un coup, on chante sur autre chose, mais on reconnaît ces chansons-là. Et évidemment, personne ne sera dupe. On va bien reconnaître ouais. dans Dale Cook, Sam Cooke. Parce qu'il est déjà très connu, ce groupe avec qui il chante. Ah oui, à cause connu. Des Soul Stirrers. Ouais. Et là, ça va créer un problème avec les Soul Stirrers, qui, eux, font de la musique sacrée. Tu sais, il faut choisir. Ouais. Il n'est pas possible pour un artiste de faire les deux à ce moment-là ouais. de l'histoire de la musique noire américaine. Et il va choisir. En 1957, il va carrément faire ce choix, se tourner vers la pop, vers une musique plus soul. Et cette année-là, il enregistre une chanson qui va vraiment... Cette chanson-là, c'est le point de départ. Là, ça propulse. Il est déjà populaire, mais là, il va atteindre des sommets à partir de ce moment-là. Darling, you send me, I know you. Honest you do, oh, you thrill me. I know you thrill me, darling. You thrill me. Honest you do. At first, c'est avec cette chanson donc You Send Me que la carrière de Sam Cooke décolle vraiment pour de bon. Et c'est à partir de ce moment-là, Stanley Payant, qu'il devient une immense vedette. Et là, vraiment, ben, c'est un succès après l'autre. C'est un succès après l'autre. Il faut dire que cette chanson-là, il est maintenant chez un label qui s'appelle King, qui va le lancer. C'est un 45 tours. Ils n'avaient pas pris beaucoup de risques avec You Send Me parce qu'ils lui ont fait enregistrer une version de Summertime qui faisait l'autre face. Ah, oui. Il s'est dit, une des deux va tourner à la radio. Il y a un Summertime extrêmement soul avant la lettre. C'est pas le Summertime tout à fait comme l'aurait chanté Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, mais c'est un Summertime très Sam Cooke, cette manière qu'il a, ce phrasé qu'il a. Il sera pendant 6 semaines à trôner dans les ventes Rhythm and Blues, comme ça qu'on disait à l'époque. C'est la musique noire, c'est pas encore la musique soul. Ouais. Et fait plus rare à l'époque pour un artiste noir américain, il perce sur les palmarès pop. Ce qui est sous-entendu par palmarès pop, ça veut dire que c'est la musique blanche. Ouais. Tout d'un coup, les Blancs écoutent You Send Me ou Summertime, de toute façon, c'est le même disque. Et très rapidement, début 1958, Keane va lui proposer de faire un long jeu et non pas simplement de faire un 45 tours. Donc, il va sortir un album qui est un album homonyme, donc Sam Cooke, avec un recueil de chansons. Alors, il va puiser dans ce répertoire qu'il découvre, qu'il fait découvrir. Ce sera des chansons originales comme Wonderful World, Only 16, ou encore des standards comme For Sentimental Reasons, qu'encore une fois, il fait à sa manière et pas du tout à la manière des chanteurs de jazz de l'époque, ou encore Crazy She Calls Me, ou Crazy He Calls Me, quand c'est Billie Holiday qui la chante. Ouais. Il va devenir, dès lors, dès la fin des années 50, une sorte de Nat King Cole, aussi suave, aussi sophistiqué que son modèle, mais l'œuvre est destinée à un nouveau public qui émerge, et ça, il faut le dire, c'est l'invention à cette époque-là de l'adolescent. Les adolescents du baby boom sont les premiers à avoir, dans l'histoire américaine, à avoir autant d'argent dans les poches ouais. et cette volonté de s'affranchir de leurs aînés. Ils veulent leur musique. La musique, ce sera le rock and roll, qui est la musique émergente des années 50. Ce ne sera pas le jazz, ce ne sera pas le blues. C'est ce public-là qui naît avec la carrière flamboyante de Sam Cooke. Et petite parenthèse, vous parlez de ces adolescents qui, pour la première fois dans l'histoire, des adolescents qui ont de l'argent dans leur poche. Puisqu'on parle d'argent, petite parenthèse, mais quand même, oui, le brillant chanteur qu'il a été, Sam Cooke, mais quelqu'un qui, à l'époque, quand même, est assez avant-gardiste, qui a le sens des affaires lui-même. Il a quoi, son étiquette, sa maison d'édition. Il y a ce côté-là chez Sam Cooke. Oui, aussi. Parce que très vite, il sera insatisfait des conditions qu'il a chez Keane, le label qui publie ses disques. Il va dire, je peux avoir mieux ailleurs, puisqu'il est courtisé par les autres labels, voyant ce qu'il génère comme revenu. Évidemment, lui, il veut une plus grande part des bénéfices sur ses disques. Il veut gérer ses propres droits d'édition. Et il va le faire quand il va passer en 1960 chez RCA Records, donc chez la même maison de disques qu'Elvis Presley. Il aura droit à des conditions beaucoup supérieur à ce qu'il avait chez Keane. Et il aura donc, oui, son label chez RCA. Et il aura également ses droits d'édition. Il va être en partnership avec Alan Klein. Ils auront des querelles, ces deux-là. Mais quand même, il va s'affirmer comme un homme d'affaires, va prendre d'autres artistes émergents du gospel ou de la scène pop. Il va les prendre sous son label, voulant pousser justement une nouvelle chanson populaire noire. Thank you very much. Before we do anything, we'd like to say to Eve, how you doing out there? Has everybody been all right? How you doing out there? I ask you one more time, how are you doing out there, all right? Yeah, that's what we want. Yeah, good. Like, tonight we want you, don't fight it. We're going to feel it tonight, you understand? Don't fight it. We're going to feel it. Okay, Clip. Don't fight it. Chip. Ah. Le concert que donne Sam Cooke au Harlem Square Club en 1963, c'est un extrait de ce concert qu'on entend. C'est devenu un classique, Stanley Pea. Ça nous permet de parler de l'homme de scène, Sam Cooke sur scène. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donnait? Il y a une telle énergie chez Sam Cooke, puis une espèce de proximité avec le public. Le public est essentiellement noir ce soir-là. Ça se sent dans sa manière de leur adresser la parole. « How you feeling? » Ouais. Tu sais, il leur parle dans la langue vernaculaire. Il est très, très proche d'eux. Quand il chante une chanson comme un standard comme « For Sentimental Reasons », il insiste, parce qu'il a conscience des problèmes qui existent dans la communauté noire, des problèmes de violence conjugale, il insiste en leur disant « Faites attention à vos femmes, messieurs. » Il leur parle comme c'est peut-être l'héritage du gospel. Il leur parle comme un preacher parlerait à son église. Et il y a cette énergie. Il est avec le saxophoniste King Curtis et son groupe qui l'accompagne. Il y a cette énergie vraiment débridée qui est celle d'un certain rhythm and blues, qui est celle du jazz, qui est celle du rock and roll. Il est à une croisée des chemins au début des années 60, après son passage chez RCA. Il a un style musical hybride. C'est encore rhythm and blues. Il y a une mélancolie. Il y a le blues encore qui est là. Il va chercher à trouver sa voix et c'est à travers des succès qu'il est en train d'affirmer comment il va être Sam Cooke. Les succès qui se succèdent encore une fois, Chain Gang, Twistin' the Night Away et puis celle qu'on a entendue un peu plus tôt, Bring It On Home to Me. Ce sont toutes ces chansons-là qui imposent cette manière d'être. Et c'est drôle parce que Sam Cooke se bat pour un public non ségrégué à l'époque. Et, parce que dans les endroits où il chante, on sait qu'il a un public blanc important. Ouais. Et évidemment, au début des années 60, dans la salle, les blancs et les noirs sont séparés. Et lui voudrait qu'on oublie cette histoire-là. C'est un humaniste, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et même qu'il y a ce très, très beau documentaire qui est paru récemment sur sa vie, The Two Killings of Sam Cooke, diffusé par Netflix, où on nous raconte cette fois où il est dans un concert collectif avec d'autres artistes de sa génération et il réussit à convaincre ces artistes noirs-là, dit « Ne donnons pas le concert. » Disons aux promoteurs, c'est fini, nous ne jouerons pas devant une salle ségrégée. Tout le monde est d'accord, on va rester au motel, on ne donnera pas le concert. Et finalement, il se rend compte que les autres sont allés sans lui. Les autres n'ont pas eu le courage de dire non, alors que lui s'est retiré à dire non, je participerai pas, peu importe qui me poursuive, je ne participerai pas. Évidemment, ça aurait eu plus de poids si tout le monde avait annulé sa présence au concert. Mais Sam Cooke était déjà dans cet idéal-là. Et cet idéal, ça va donner, évidemment, on y revient, cette incontournable chanson, cette grande, grande chanson que beaucoup d'artistes vont interpréter, « A Change Is Gonna Come ». I was born by the river in a little tent. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. It's been too. Beyoncé chantant « A Change Is Gonna Come » en concert à Détroit le 20 juillet 2013, deux jours après que la ville ait déclaré faillite. Beyoncé va chanter cette chanson, mais il y en aura pléthore, Stanley Payan. Tout le monde va chanter cette grande chanson « A Change Is Gonna Come ». Parlez-moi un petit peu de l'importance qu'a eue cette chanson-là. Sam Cooke est proche du mouvement pour les droits civiques. Il a pour ami Malcolm X. Il est ami intime de Malcolm X. Il formait un quatuor histoire avec Malcolm X, avec Cassius Clay, avant qu'il soit Muhammad Ali, et Jim Brown, qui était le carrière des Cleveland Browns. Donc, ces quatre gars-là qui sont l'incarnation d'une certaine mâlitude noire américaine moderne, des gens élégants, des gens qui ont du succès dans leurs entreprises. Ouais. Donc, Sam Cooke est également proche de Martin Luther King via Aretha Franklin et la communauté gospel. Donc, il est tout à fait engagé là-dedans. A Change is Gonna Come, c'est une épopée qui raconte le peuple noir. C'est formidable de faire ça en 3 minutes. Ouais. Une épopée extrêmement lyrique sur le peuple noir américain, la résilience, la lutte pour la conquête de la dignité, un appel à la solidarité. Il dit à un moment donné, je tends la main vers mon frère qui me frappe et me rabaisse. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait un changement réel dans la société américaine. Et donc, oui, ça parle des Noirs, mais c'est le même rêve que oui. Martin Luther King, parce que c'est la solidarité humaine tout simplement qu'appelle cette chanson-là. Et c'est vraiment une grande, grande chanson qui sera son testament, qui sera considérée comme son chef-d'œuvre, qui annonçait tout ce qui aurait pu arriver dans cette œuvre-là, parce que n'oublions pas que Sam Cooke meurt à 33 ans. Oui. Ça veut dire que c'était à peine le début pour ce jeune artiste qui avait enfin trouvé sa voix et qui avait enfin trouvé une manière de synthétiser toutes ses influences et d'avoir un propos personnel. Et si cette chanson, « Change is Gonna Come », lui permet de devenir immortel en quelque sorte et d'entrer dans la légende, sa mort à cet âge-là aussi fait un petit peu probablement partie de cette légende-là. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, de théories autour de cette mort-là. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? On en sait peu de choses. Sam Cooke a plein d'argent dans les poches. Il a 5 000 $ dans les poches. Il arrive d'un meeting avec son associé, Alan Klein. Un meeting qui s'est pas bien passé. Il s'est mis à courtiser une fille qu'il a rencontrée là. Alors, c'est quelqu'un qui... Sam Cooke, à ce moment-là de sa vie, était en instance de divorce. Rencontre une fille, la ramène au motel. La fille aura un récit contestable, disons. Elle dit qu'il l'a ramenée au motel pour la violer. Mais pourtant, il s'en va prendre sa douche. Alors, je ne sais pas, d'habitude, les violeurs ne prennent pas leur douche avant de passer aux actes, mais elle se sauve avec les vêtements de Sam Cooke pendant qu'il est à la douche et, évidemment, avec cette recette de 5 000 $ qu'il a dans les poches. Lui, frustré, sort avec seulement un veston, c'est tout ce qui lui reste, et ouais. va demander des comptes à la gérante du motel, qui prend peur parce que, bon, il avait bu, il était effrayant pour elle, donc elle va sortir une arme, ils vont lutter et le coup de feu va partir, l'abattre à bout portant. Ce qu'on en sait aussi, c'est que l'examen par le médecin légiste dit qu'il y a eu autre chose, il n'y a pas eu que la... Il y a des drôles de marques sur le cou... C'est pas clair. Et il y a un écrivain qui a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle « Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke ». C'est de 2005. C'est Peter Guralnick qui dit que non, sûrement il a été victime d'un complot à cause de son activité dans les mouvements des droits civiques. Le documentaire « The Two Killings of Sam Cooke » explore cette hypothèse, mais ne tranche pas. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qui nous permet de trancher. Mais toujours est-il que cette mort devient absolument symbolique à l'époque où elle arrive. Elle arrive un petit peu avant celle de Malcolm. Elle arrive quelques années avant celle de Luther King. Elle meurt, la figure importante de ce mouvement-là. Muhammad Ali, puisqu'il a pris ce nom-là à ce moment-là, dira de son ami, s'il avait été Frank Sinatra ou Elvis Presley, le FBI serait en train d'enquêter. Mais évidemment, ils feront rien parce qu'un noir qui meurt au sud des États-Unis, c'est au suivant. Stanley Péan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » à ICI Musique, auteur de nombreux livres, dont de préférence « La nuit » que vous venez tout juste de faire paraître, ami de l'émission. Merci beaucoup, Stanley. Un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Here's a man in